14.3, production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du deuxième personnage. Vous entendrez le dialogue une fois, puis vous entendrez ce que dit le deuxième personnage trois fois, et puis vous entendrez ce que dit le premier personnage et vous jouerez le rôle du deuxième. 1. Écoutez. C'est vraiment beau, vous ne trouvez pas ? Oui, c'est une belle matinée. Oui, c'est une belle matinée. Oui, c'est une belle matinée. Oui, c'est une belle matinée. À vous. C'est vraiment beau, vous ne trouvez pas ? Deux. Écoutez. Vous êtes étudiant ? Oui, je fais de l'histoire de l'art. Oui, je fais de l'histoire de l'art. Oui, je fais de l'histoire de l'art. Oui, je fais de l'histoire de l'art. À vous. Vous êtes étudiante ? Trois. Écoutez. Moi, je viens des États-Unis. Ah, vous êtes américain ? Ah, vous êtes américain ? Ah, vous êtes américain ? Ah, vous êtes américain ? À vous. Moi, je viens des États-Unis. Quatre. Écoutez. Votre mère est française ? Oui. Quand j'étais enfant, je parlais toujours français avec elle. Oui. Quand j'étais enfant, je parlais toujours français avec elle. Oui. Quand j'étais enfant, je parlais toujours français avec elle. Oui. Quand j'étais enfant, je parlais toujours français avec elle. À vous. Votre mère est française. 5. Écoutez. Il y a longtemps que vous êtes en France ? Non, depuis hier seulement. Je viens d'arriver. Non, depuis hier seulement. Je viens d'arriver. Non, depuis hier seulement. Je viens d'arriver. Non, depuis hier seulement. Je viens d'arriver. À vous. Il y a longtemps que vous êtes en France ? 6. Écoutez. Et vous habitez où ? À la CTU ? Ah non, j'habite dans un petit hôtel du quartier, le Home Latin. Ah non, j'habite dans un petit hôtel du quartier, le Home Latin. Ah non, j'habite dans un petit hôtel du quartier, le Home Latin. Ah non, j'habite dans un petit hôtel du quartier, le Home Latin. À vous. Et vous habitez où ? À la CTU ? Écoutez. Et vous venez souvent en France ? Non, c'est la première fois. Non, c'est la première fois. Non, c'est la première fois. Non, c'est la première fois. À vous. Et vous venez souvent en France ?